Alors, Tony Di Martino présent, Olivier Tarabella présent, Elham Chahi, Édouard De Noël, Émilie Trigot, Vassin Doucissé, Tionji Biro, Cédric Pape, Yasmina Sadoud a donné pouvoir, Édouard De Noël, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merlin Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yala Nadino, Abdelkrim Karoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Daymariem Diop, elle est là, je l'ai vue, Kaline Tribic, Amit Cheir a donné pouvoir à Anne Gerval, Mamadou Sila a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Manon Chrétien a donné pouvoir à Émilie Trigot, Hissène Ounissi m'a donné pouvoir, Zora Kelly, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet a donné pouvoir à Madame Le Bourris, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence, Solène Le Bourris et Jules Raguenaud. Donc, la séance est ouverte. En ouverture de séance, je souhaitais vous informer de l'arrivée prochaine, en l'occurrence début mars, de M. Daniel Seguin-Cadiche, qui prendra ses fonctions de directeur général des services de la ville de Bagnolet, de la nomination de Mme Estelle Francisco-Kruger comme directrice générale des services techniques, de l'arrivée de Guillaume Merzi en tant que directeur général adjoint des services en charge de la cohésion sociale. Et je voulais remercier Marie-Line Arnaud pour le travail qu'elle accomplit depuis quelques semaines en tant que directrice générale des services par intérim et qui est DGA Ressources, que je tiens à saluer pour le travail réalisé. Donc je propose de désigner secrétaire de séance, en l'occurrence Yala Nadino, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Donc nous avons deux vœux qui seront examinés en fin de séance. L'un qui concerne la hausse des tarifs de l'énergie et l'autre qui concerne le service public de santé. Le point numéro 1, procès verbal du conseil municipal du 17 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Pour le point numéro 2, fallait le faire avant. Pour le point numéro 2, je donne la parole à Olivier Tarabella. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai reçu de Tony Di Martino, maire de Bagnolet, la demande de protection fonctionnelle suite aux poursuites pénales qui ont été engagées à son encontre pour des faits liés à ses fonctions de maire, conformément aux dispositions de l'article L21-23-34 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Monsieur Tony Di Martino a été cité à comparaître le 16 septembre 2022 devant la 18e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits qualifiés par le parquet de détournement de fonds publics et liés au recrutement d'un agent municipal, établissant ainsi le lien avec les fonctions de maire. Dans le cas de cette procédure, par un jugement dont le délibéré a été prononcé le 28 octobre dernier et qui est aujourd'hui définitif, Monsieur Tony Di Martino a été relaxé. Nous sommes donc invités à nous prononcer sur cette demande de protection fonctionnelle. Prise de parole, Madame Desbordes-Silly. Oui, mais j'ai une question et deux remarques. Alors d'abord, quel est le montant des frais de justice engagés? Et pourquoi ce montant ne figure pas dans la délibération alors que l'affaire a été jugée? Moi, je n'ai pas d'informations à mon niveau, pas de montant à communiquer. Comment vous faites pour faire une demande de protection fonctionnelle au conseil municipal pour une procédure qui termine, une affaire judiciaire qui est terminée? Donc vous devez les avoir, ces éléments-là, je suppose. C'est quand même curieux que vous ne puissiez pas les communiquer. Bon, Puis le deuxième élément, c'est que pourquoi cette demande de protection fonctionnelle intervient alors que la procédure est terminée ? Je rappelle quand même que c'est la deuxième demande de protection fonctionnelle qui concerne le maire. Bon, la première, vous en souvenez, c'était en 2020, c'était une demande de protection fonctionnelle qui avait été faite à la suite de la plainte déposée par Tony Di Martino contre Claire Laurence, qui était clairement une procédure bâillon pour laquelle il a été débouté par la justice, mais la demande de protection fonctionnelle est intervenue normalement en début de procédure. Là, vous nous demandez d'adopter, faire adopter par le conseil municipal une demande de protection fonctionnelle alors que cette affaire est close. Expliquez-nous, je ne comprends pas. À ma connaissance, il n'y a pas de contrainte de cette nature pour la recevabilité de la demande, même s'il doit exister, j'imagine, un délai de prescription, mais on va éventuellement vous l'apporter dans les prochaines minutes. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de difficulté de recevabilité sur la demande. Non, mais il y a clairement un détournement de procédure. Et pour quelle raison ça intervient maintenant ? Je suis navrée, je repose la question. Pourquoi cette demande de protection fonctionnelle n'a pas été faite lorsque... je ne sais pas quand l'affaire a débuté, c'est ça, vous savez ça mieux que nous. Oui, je glissais juste à mon collègue, mais il préfère que je le dise moi-même que c'est le contraire. C'est qu'il en fait la demande après avoir été jugé innocent pour se considérer qu'il ne floue pas les habitants sur une demande de protection fonctionnelle. C'est tout à son honneur d'en avoir fait la demande après le rendu du jugement, même si nous savons, Mme Desbordes-Silly, que même quand on est jugé innocent, vous considérez qu'on n'est pas innocent. Enfin, la justice a considéré qu'il était innocent. Donc, il fait sa demande de protection fonctionnelle après coup. C'est plutôt en toute honnêteté de sa part. Mais vous n'avez pas compris la question, je pense. C'est pas le sujet. Ou alors, vous êtes faussement naïf, vous faites semblant de ne pas comprendre. La question, c'est que les demandes de protection fonctionnelle n'interviennent pas une fois que l'affaire est classée. C'est un détournement de procédure, même si c'est... C'est clairement abusif. Alors, je ne parle même pas de la demande en tant que telle, je parle du timing. Pour quelle raison aujourd'hui ? Parce qu'il a été jugé innocent. C'est pas le sujet. Là, vous êtes en train, parce que qu'on soit clair, là, vous êtes en train de demander la prise en charge des frais de justice, des frais d'huissier afférents à cette affaire par la ville. Donc, c'est l'argent des contribuables. Donc, au moins, ayez d'abord, donnez-nous le montant des frais de justice et d'huissier engagés. Vous les avez, encore une fois. Répondez à la question. Elle n'est pas compliquée, cette question. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, si ce n'est que c'était pour dissimuler cette affaire qui était en cours aux administrés ? Alors, d'abord, une précision sur le montant. Effectivement, moi, je n'ai pas connaissance du montant à ce jour, mais la collectivité, comme toutes les communes de plus de 3500 habitants, a l'obligation de souscrire une assurance couvrant ce type de dépenses, et donc en toute hypothèse, moyennant le montant de la franchise que j'avoue ne pas connaître de tête, l'assurance de la ville sera amenée à couvrir une grande partie, le coût pour la collectivité de cette prise en charge financière dans le cadre de la protection fonctionnelle si elle est accordée par le conseil municipal. Donc, ça, c'est une première précision. Après, sur le moment de la demande, ça, c'est la liberté de celui qui la demande. Donc je ne me prononce pas à sa place. Émile Trigot vous a apporté un éclairage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Cédric Pape. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, juste pour apporter des éléments de réponse. Donc, effectivement, ce qu'a dit Émilie Trigot est tout à fait exact. C'est-à-dire que, effectivement, la procédure est terminée avec une bonne nouvelle, puisque le maire a été relaxé. Il n'a pas voulu entamer, pour des raisons éthiques, une protection fonctionnelle avant ce jugement-là. Donc, c'est tout à son honneur, comme le disait ma collègue. Il a avancé une somme aujourd'hui de 1 800 euros, pour répondre à votre question de façon tout à fait précise. L'avocat n'est pas encore revenu avec une facture totale. Donc, juste la somme de 1 800 euros qui a été avancée. Et aujourd'hui, il demande la protection fonctionnelle pour que la franchise de l'assurance, puisqu'il s'agit en fait d'une assurance municipal puisse agir, tout simplement. Pourquoi vous dites pour des raisons éthiques ? Bon, écoutez, on peut disserter longtemps si vous voulez là-dessus. Enlevez le mot éthique si vous le souhaitez. En tout cas, je réponds à votre question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Très bien, donc je propose qu'on passe au vote sur cette délibération. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Et donc, j'invite Monsieur le maire à retrouver la séance du conseil municipal. Merci Olivier. Le point numéro 3, c'est l'avenant au marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire, ventilation et climatisation. Olivier. Oui, c'est un avenant dont on a déjà parlé, rappelez-vous, pour la prolongation. C'est une prolongation qui ne devait pas avoir d'incidence financière au regard des opérations qui n'avaient pas encore été finalisées dans le cadre de la durée initiale du contrat. Néanmoins, une fois réalisé l'ensemble de ces opérations, des opérations réalisées supplémentaires dans le temps prolongé de la convention, il y a lieu de procéder à une régularisation financière d'un montant de 14 370 euros pour le P2, 21 398 pour le P3, soit 35 768 euros hors taxes au bénéfice du prestataire, et qui clôt donc ce marché pour cette période. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, attribution du marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire, ventilation et climatisation. Olivier. Donc c'est évidemment la suite, puisqu'on renouvelle donc ce marché. Suite à la commission d'appel d'offres, c'est la société IDEX Énergie qui a fait l'offre la plus économiquement avantageuse. C'est un marché un peu particulier au sens où il s'établit sur une durée de 8 années, ce qui est plus long que les marchés habituels, même si c'est parfaitement classique pour ce type de prestation. C'est lié au niveau d'investissement sur lequel s'engagent les soumissionnaires pour la durée du marché. Je précise que, comme pour le marché précédent, mais de manière renforcée, il y a un dispositif de bonus-malus pour le prestataire en fonction de la performance énergétique effectivement mesuré regard de l'évaluation annuelle du contrat, avec un système qui permet donc, si le prestataire ne permet pas un gain énergétique grâce à sa gestion du réseau, une reprise au bénéfice de la collectivité. Des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, admission en non-valeur et créance éteinte. Pardon, abrogation et remplacement de la DM. Je suis allé trop vite. Je l'ai un petit peu développé en commission des finances. Il s'agit donc de remplacer la décision modificative votée lors du dernier conseil municipal avec une rectification qui porte sur l'abandon de la dépense qui correspond au remboursement pour 5 680 000 euros de la taxe d'aménagement sur l'opération Saint-Maclou, puisque nous avions, je le rappelle, inscrit cette dépense au budget primitif 2022 dès lors qu'elle était certaine du fait du caractère définitif de son fait générateur, qui était la caducité du permis de construire sur le projet initial sur ce site. Néanmoins, les services de l'État ne nous ont transmis à ce jour aucune pièce justificative sous la forme d'un titre de recette qui permettrait de le rattacher à l'exercice 2022, ce qui nous oblige donc à retirer cette dépense du budget primitif et de la reporter sur l'exercice 2023, puisqu'il n'y a aucun doute sur le fait que nous serons amenés à réaliser cette dépense, on l'espère, à un horizon que l'on pourra à minima maîtriser. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, admission en non-valeur et créances éteintes. Olivier. Ouais, je propose de faire peut-être un petit tunnel. Oui, avec l'extinction des dettes, voilà. L'autorisation de liquider. Série de délibérations classiques en cette période, donc admission en non-valeur sur les créances éteintes, dans le plafond de 50 000 euros ouvert par le budget 2022 pour 49,498,75. Extinction de dettes suite à une procédure de surendettement, là aussi très classique, c'est une famille qui bénéficie d'une extinction pour 5,628,75 €. On autorise la liquidation de l'endettement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023 afin de permettre la réalisation de certaines dépenses d'investissement avant le vote du budget. C'est en particulier nécessaire pour, évidemment, l'entretien courant, enfin les petits investissements sur le patrimoine bâti et pour l'école Pêche d'Or, pour évidemment le paiement au fil de l'eau des travaux de la réalisation de la nouvelle école. Et enfin, acompte sur subvention 2023, il s'agit comme chaque année des acomptes pour un quart des subventions aux associations qui ont des charges particulières, soit de masse salariale, soit liées à la gestion des locaux dans lesquels ils se situent, qui leur permet de ne pas avoir de rupture de trésorerie avant la délibération qui assigne chaque année les subventions aux associations. Il y a des remarques? Pas de remarques? Admission en non-valeur. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Extinction des dettes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du BP 23, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Ensuite, nous avons délibération avec des amendements sur les acomptes sur subvention 2023. Hein ? Tu as présenté déjà ? Et les amendements, en fait, on a expliqué, tout est bon, Yasmina ? Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Vous êtes vraiment pressé. Je propose de voter les amendements. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La délibération qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'approbation de la convention pluriannuelle de projet de renouvellement urbain que nous allons signer dans les prochaines semaines. Quelques mots rapides avant de céder la parole à Olivier Taravella. Après un premier projet de renouvellement urbain dont chacun ici connaît l'histoire compliquée, mais que je suis fier d'avoir mené à son terme, c'est une nouvelle étape de la transformation de la ville que nous vous proposons aujourd'hui d'ouvrir. Rénover nos quartiers avec celles et ceux qui y habitent est le sens de ce que nous portons pour notre territoire. Après un long travail des services respectifs de la ville, d'Est Ensemble et de l'ANRU, après de très nombreux échanges, on a eu l'occasion de discuter ici à plusieurs reprises de ce projet, d'organiser des réunions de quartier avec les habitants, notamment des Malassis. Nous vous proposons d'approuver les termes de cette nouvelle convention pluriannuelle qui permettra à la ville d'obtenir les moyens nécessaires à sa transformation. Les concertations menées avec les Bagnoletaises et les Bagnoletais nous ont permis de faire évoluer les premières esquisses des projets et d'aboutir ensemble à un projet largement partagé. Olivier. Oui, je vais faire un tout petit peu plus long que les délibérations précédentes. Pas trop quand même, effectivement. J'ai promis à Cédric Pape d'être court. Écoutez, c'est une grande fierté pour nous de présenter cette délibération, puisqu'effectivement, c'est le résultat de 4 années de travail avec les habitants de Lannou et des Malassis sur ce deuxième programme de rénovation urbaine. Il avait été remonté assez fortement que sur le premier programme, la concertation avait été souvent manquante ou parfois un petit peu factice. On a souhaité, sur ce nouveau programme, travailler avec Est Ensemble, avec les services de la ville, avec des partenaires extérieurs, que la concertation soit non seulement au cœur du projet, mais qu'elle soit vraiment au cœur de la construction du projet. Et ce sont vraiment les habitants, en particulier pour le secteur Les Malassis, qui est un projet à part, alors qu'à la nous, on est un peu plus dans une continuité. Ce soit vraiment eux qui soient à l'initiative de la construction du projet. On s'est retrouvés dans des réunions de travail avec des blocs de couleurs différentes que les habitants déplaçaient sur des tables pour voir comment on pouvait agencer les différents équipements publics. Ça a été l'occasion, la première fois pour nous, de travailler ensemble à Cannes de Rugy, par exemple, et de voir qu'on pouvait essayer d'abonder à des projets qualitatifs, à la fois sur le plan de la transformation de l'habitat, de la rénovation urbaine, mais aussi de l'environnement. Les habitants ont construit ce projet. Ils ont souhaité le faire en particulier au Malassis autour d'une nouvelle piscine qui conditionne la manière dont ce projet va se mettre en place, qui le rend à la fois plus complexe, plus long, un peu plus coûteux aussi, mais qui permet d'avoir une continuité de service public sur ce quartier avec pas de rupture d'accès à une piscine pendant 3 ou 4 années, ce qui aurait pu être le cas si on avait été sur une démolition plus simple, mais qui aurait nécessité ensuite un temps de latence. On va démolir intégralement cette grande dalle Maurice Torres, qui est un véritable mur qui coupe le quartier des Malassis en deux. On va avoir une nouvelle piscine, un nouveau conservatoire, une nouvelle maison de quartier avec une nouvelle salle polyvalente, un nouveau centre socioculturel, des locaux pour les associations, un espace extrêmement bétonné et minéralisé qui va laisser la place à un très grand espace en pleine terre, pour l'essentiel arboré et pas avec des petits arbres factices, mais avec des arbres de moyenne, de haute tige, qui vont apporter dans le temps un vrai aspect qualitatif à ces espaces. On va recoudre le tissu entre les habitants de cette partie-là du quartier des Malassis et ceux qui se trouvent dans le quartier qui a déjà été transformé. Et on va permettre également la construction d'un dojo municipal qui va offrir une solution très satisfaisante pour notamment le club des Diables Rouges, qui aujourd'hui se situe dans des locaux vieillissants sur le site de la briqueterie, qui lui-même va évoluer dans les prochaines années. Du côté de l'ANOU, on poursuit le projet qui a déjà été engagé sur le premier programme avec la finalisation de la dalle qui va être réaménagée, requalifiée, fortement verdi, et puis on va valoriser cette grande coulée verte qui se situe devant la dalle côté nord, avec une nouvelle liaison également vers le quartier des Malassis grâce au projet qui sera fait sur le terrain dit PIF que vous avez pu voir lors d'un précédent conseil municipal. On aura assez peu de démolition de logements par rapport à ce que sont les standards de l'ANRU, puisque seulement 230 logements sociaux seront démolis. Évidemment, c'est un enjeu pour le relogement. On va avoir un travail compliqué à mener, mais qui aujourd'hui est avancé, qui a permis déjà de trouver un certain nombre de solutions pour un nombre important de ménages qui sont sur le site et qui va permettre de finalement offrir une solution qui soit plus satisfaisante que celles qui ont pu être connues sur les projets Blanqui, Grand Blanqui, Petit Blanqui, où il y avait eu un certain nombre de tensions autour de la question du relogement. Cette fois-ci, on s'y est pris assez longtemps à l'avance. Les familles ont été informées. Elles ont été accompagnées par l'OPH de Bagnolet, par l'ANRU et ses prestataires. Et on est tout à fait confiant dans le fait qu'on pourra aboutir sur cette question des relogements dans les temps et dans le respect des choix qui seront faits par les familles. Requalification du quartier qui se fait également par sa mixité fonctionnelle. Donc j'ai évoqué les locaux mixtes dans cette nouvelle maison de quartier qui sera sur le secteur Malassis, sur le secteur Lanoux. Le lien avec les nouvelles activités sur le terrain PIF, avec la recyclerie qui est sécurisée dans un nouveau local qui est actuellement déjà occupé par elle, mais qui va légèrement être modifié et qui permet d'avoir un lien direct avec le quartier. Et évidemment, des aménagements qui viendront valoriser la question des espaces verts, des circulations et la question des déchets aussi, qui est une question assez prégnante, évidemment, comme vous le savez, sur le quartier de l'ANOU. Donc on est vraiment sur la finalisation de ce projet. C'est un projet sur lequel, pour la part des équipements de la ville, le taux de cofinancement sera de près de 60%. C'est un niveau extrêmement élevé, c'est un des niveaux les plus élevés parmi l'ensemble des projets à l'échelle nationale. C'est le double du taux de cofinancement du premier programme de rénovation urbaine. C'est lié à la qualité des projets qu'on a pu porter dans cette convention. C'est lié aussi au travail qui a été mené vis-à-vis de l'ANRU sur la négociation pour les taux de cofinancement. On remercie à cet égard les services d'Est Ensemble pour leur accompagnement et le travail sur cette question. Je tiens aussi en particulier, pour ce qui est des services de la ville de Bagnolet, à remercier Sophie Rosès, qui va bientôt nous quitter pour de nouvelles aventures et qui a porté ce projet, et même le projet précédent, depuis de nombreuses années. Donc je souhaitais la remercier pour ce travail. Et évidemment, on va poursuivre maintenant, puisque cette convention n'est que la première pierre de la phase opérationnelle du projet qui commence dans les prochains mois avec les études opérationnelles. Et nous reviendrons très rapidement vers les habitants en janvier, en février, pour présenter le calendrier actualisé et les premières évolutions opérationnelles du projet, notamment pour la piscine des Malassis. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, Madame Le Bouris? Oui, bonsoir. Moi, je ne suis pas pressée. Hein. Déjà, nous voulions quand même rappeler notre opposition à la démolition de la tour Randa dans un premier temps. Donc, nous allons nous abstenir concernant cette délibération. Après, ma question était portée justement sur les locataires concernés. Donc, est-ce que vous êtes capable de chiffrer ce soir, de me dire combien de familles n'ont pas encore de solution d'emménagement? Et je vous réponds maintenant. Je termine, excusez-moi. Et est-ce que justement chaque situation seront mises à l'étude et on auront une proposition adaptée à leur situation financière? Et j'ai une autre aussi question concernant le local du Secours populaire. Est-ce que vous avez aussi une solution envisagée concernant ce local? Merci. Alors, sur le relogement des familles, trois propositions vont être faites aux différentes familles. Concernant le 18 tueries, il reste 10 familles à reloger. Plus de la moitié l'ont été à ce jour, soit dans des logements neufs, notamment ceux du Moulin rue Sadi Carnot, soit, pour ceux qui le souhaitent, sont restés au Malassis. Donc il y a un cabinet spécialisé, le cabinet Fresnes, qui travaille sur le relogement. Et le relogement des familles du bâtiment 40 tueries n'a pas encore démarré, c'est celui qui sera démoli ensuite. Mais pareil, trois propositions seront faites aux familles en fonction de leur souhait de rester ou pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines familles qui veulent rester dans le quartier des Malassis. On leur offrira la possibilité de rester au Malassis. Voilà. Et quant au Secours populaire, les propositions ont été faites par l'Office. Un travail en cours entre l'Office et le Secours populaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ? Pas de questions. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Il s'agit de la cession du bien communal situé au 5761 rue Hoche au profit de l'association de bienfaisance et de fraternité. Quelques mots avant de laisser la parole à Cédric Pape. Cette délibération, nous le savons, s'inscrit dans une histoire, là aussi parfois mouvementée, compliquée. Une précédente délibération a été adoptée il y a quelques années maintenant, dans ces mêmes murs, avait fait couler beaucoup d'encre, on va le dire comme ça, pour rester sobre, avant d'être finalement annulée en première instance par la justice administrative. Petit rappel, la résiliation du bail emphytéotique conclu par la ville en 2005 pour la construction de la mosquée, puisque c'est de cela dont il s'agit, est nécessaire afin d'éviter qu'au terme de ce dernier, la ville ne devienne propriétaire d'un terrain et d'une mosquée. La précédente délibération de 2019 actant la cession du terrain et de la mosquée qui est construite et dont le financement a par ailleurs été bien entendu intégralement pris en charge, je précise intégralement pris en charge par l'association, qui est une association de loi 1905, prévoyait un mécanisme de paiement en deux temps. D'abord le versement d'une somme de 700 000 euros au moment de la signature de l'acte de vente, puis un différé de paiement pour les 250 000 restants. C'est la raison pour laquelle le juge administratif a procédé à son annulation, en l'occurrence concernant ce différé de paiement qui a été considéré comme l'équivalent d'une subvention à une association cultuelle. Dès lors, la nouvelle délibération que nous vous proposons d'adopter ce soir, donc l'appel interjeté par la ville dans ce dossier afin de ne pas laisser la collectivité à l'association dans l'incertitude, prévoit la résiliation du bail emphytéotique et la cession du terrain construit pour un montant de 1,10 million, qui est issu de la dernière évaluation réalisée par France Domaine sur ce sujet. Cédric. Oui, merci Monsieur le maire. Vous avez fait un très bon résumé. Donc en fait, il s'agit effectivement, pour faire vite, tout simplement de procéder à une nouvelle vente, donc à 1,10 million, donc avec la nouvelle évaluation des domaines, et de résilier, enfin de clôturer ce dossier à l'amiable, tout simplement, comme vous l'avez évoqué à l'instant. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Mohamed Jenan. Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Cédric, Zach Benoyot. Il y en a deux, 12 et 13. Oui, tout à fait. Donc, je propose qu'on fasse les deux. Donc, nous avons d'un côté... ce sont deux délibérations extrêmement techniques et qui sont complètement naturelles. Donc, il s'agit de clôturer la ZAC Benoyur. D'une part, financièrement, avec une bonne nouvelle, puisque S-Ensemble va rétrocéder une somme à la ville suite pour équilibrer en fait, l'opération. Et la deuxième, c'est tout simplement ce qu'on appelle la suppression de la ZAC une fois qu'elle est terminée. Voilà. Donc, c'est deux notes complètement techniques et qu'il faut approuver ce soir, après, je crois, 25 ans ou 27 ans de ZAC Benoyur. Nous sommes plutôt heureux de la conclure ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Délibération 12, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 13, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 14, mutation du terrain communal Jean Lelive. Désaffectation et déclassement de la parcelle communale U468 affectée au domaine public et annulant les cahiers des charges de cession du 4 février 1971. Cédric, là aussi, alors, c'est l'histoire. Extrêmement technique. Pour faire simple, on avait déjà évoqué ces sujets-là lors de précédents conseils municipaux. On est désolé de revenir vers vous ce soir pour des sujets extrêmement techniques, parce qu'en fait, ce sont les notaires qui ont découvert que, tout compte fait, il y avait des parcelles qui n'étaient pas déclassées et qui remontent aux années 1970-1980. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de rentrer dans la note technique et je répondrai à vos questions si vous en avez, mais c'est uniquement pour les notaires pour pouvoir effectuer la vente dans de bonnes conditions, parce que sinon, le dossier est tout simplement bloqué. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La délibération suivante concerne la garantie des emprunts contractés par séquence auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition de 63 logements rue Daumier. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette garantie d'emprunt concernant ce projet qui est issu du PRU1 et qui a été bâtiment qui a été livré il y a quelques mois par séquence? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, garantie des emprunts contractés par CDC Habitat auprès de la Caisse des dépôts pour l'acquisition et amélioration d'un immeuble situé au 11 rue Marceau. Donc c'est le petit bâtiment que, contrairement à d'autres, nous souhaitons rénover. Celui de voisin avait été démoli par le passé, vous vous en souvenez. Donc ça va nous permettre d'avoir quatre logements dans cette vieille bâtisse réhabilitée. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 17, dérogation au repos dominical. Dionji Biro. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la dérogation au repos dominical pour les commerces pour l'année 2023. Nous avons été sollicités donc, cette année par... trois enseignes, donc l'hypermarché Auchan, le Centre Bel Est et l'enseigne Picard, pour un nombre de 7 ouvertures le dimanche pour 2023. Pour rappel, la loi Macron autorise 12 dimanches d'ouverture. Et je rappelle aussi que pour l'année dernière, le 2022, la ville a délibéré pour 5 dimanche, donc on est en dessous, très, très en dessous, et bien. Toutes les demandes formelles au syndicat ont été envoyées, ainsi que la métropole de Grand Paris, la demande d'avis a été envoyée. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'ouverture exceptionnelle des commerces pour les dates qui sont dans la délibération. Et donc, ces dates-là seront fixées par arrêté municipal. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Mohamed Jenan. Comme d'habitude, on soutient aux représentants des salariés que nous avons sollicités, qui sont contre ces ouvertures. Donc, nous, on vote contre cette délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? est approuvé. Je vous remercie. Deux délibérations importantes ensuite. Vassindou, la mise en œuvre du plan arbre et la charte de l'arbre, dont on parle depuis bien longtemps et dont nous allons enfin parler en conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, la première délibération s'inscrit dans la cohérence de la note suivante sur la charte de l'arbre, dont nous avons fait un objectif politique majeur pour planter massivement et qualitativement sur le territoire communal. En effet, planter des arbres pour créer des îlots de fraîcheur est aujourd'hui une des réponses factuelles pour lutter contre les effets du réchauffement climatique dans les zones urbaines à forte densité de population comme la ville de Bagnolet. Donc l'objectif visé par cet ensemble, c'est à travers ce plan de végétalisation de 20 000 arbres sur 4 ans pour un coût de 20 millions d'euros et qui a démarré à Pantin, c'est de doubler le nombre d'arbres sur son territoire. Les prochaines plantations sont donc programmées à partir de janvier et nous devons préalablement autoriser Est Ensemble à planter sur les sites répertoriés par nos services. Et pour cette première phase de plantation, la ville de Bagnolet devait bénéficier de, non pas de 26 comme indiqué dans la note, mais de 37 plantations. Donc j'enchaîne sur la deuxième note, la deuxième délibération. Donc c'est la charte de l'arbre qui est aujourd'hui le fruit d'une vraie démarche constructive menée par les services et qui a associé les acteurs associatifs, les agents des espaces verts, mais également de jeunes habitants à travers des ateliers pédagogiques participatifs. Elle se décline sous la forme de 4 livrets qui promeuvent une prise de conscience collective autour des enjeux de la nature en ville pour faire connaître le patrimoine arboré de Bagnolet, l'entretenir, le préserver, mais également pour emmener les bailleurs, les promoteurs immobiliers et tous les opérateurs qui interviennent sur l'espace public à adopter des politiques, des pratiques respectueuses pour l'intégrité des arbres sur notre ville, notamment grâce à des mesures coercitives comme l'augmentation de la valeur financière des arbres à travers le barème d'aménité du plan Canopée départemental que j'ai eu plaisir à signer en avril dernier pour la municipalité et qui prévoit en outre que pour un arbre abattu, c'est 3 replantés à la charge intégrale de l'abatteur. Ce qu'il faut aussi noter, qui est important, c'est que la ville vient de finaliser son marché d'aménagement paysager qui prévoit 100 de plantations d'ici fin 2023 et qui viendrait aussi avec la forêt urbaine de 29 sujets prévus sur les sites Varlin, nous permettre de planter enfin massivement, comme je l'ai dit, qualitativement. Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais juste ajouter quelques mots en tant qu'élu territorial d'Est Ensemble sur ce plan arbre qu'on porte collectivement tous les élus d'Est Ensemble avec les 9 villes et leurs 9 maires. Et indiquer ce qui est nouveau dans ce plan arbre, c'est l'idée de répondre vraiment collectivement le département, les 9 villes et le territoire à une demande très forte de la Convention citoyenne locale pour le climat et la biodiversité qui va dans le sens d'une renaturation de la ville. C'est ce qui est engagé dans le PLUI par l'ANRU et par ce qui a été dit avant sur la Noue Malassis où on a effectivement une renaturation possible, une désartificialisation des terres. C'est le cas aussi pour les projets quartiers fertiles qui vont venir après avec l'ANRU. C'est le cas ici pour le plan arbre. Donc ce qui est nouveau ici, c'est le fait que Est Ensemble habituellement n'intervenait que sur les plantations et l'entretien de ces 3 parcs, le parc de Bondy, le parc des Guillaumes et le parc des Beaumont à Montreuil, et que là on va pouvoir avoir une intervention sur la voirie des villes, d'où cette convention. Alors il y a une première phase qui est effectivement modeste, puisque c'est 173 000 euros qui ont été votés au Conseil de territoire en faveur des 9 villes au budget modificatif 2022. Mais ensuite, on a une phase de plus grande ampleur avec cet objectif de 20 000 arbres et un objectif d'avoir un fonds de 20 millions qu'il va falloir abonder avec la métropole ou d'autres fonds pour continuer. Donc je voudrais insister sur le fait que Les arts dans la ville, c'est à la fois un budget, mais c'est aussi une vigilance de tous les instants pour l'attention, pour l'entretien, pour l'attention au choix des essences et pour faire en sorte que cette renaturation soit réelle partout. Merci. Merci. D'autres remarques, d'autres interventions ? Jean-Claude Oliva. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, comme le disait Anne de Rugy, le plan Arbre a été mis en discussion au premier bureau de territoire d'Est Ensemble, début septembre, avec deux préoccupations principales. On s'est retrouvés après un été terrible, marqué par les canicules, les sécheresses et les incendies, et chacun des élus a ressenti l'urgence d'agir rapidement et fortement contre le changement climatique. Et le deuxième point, c'est ce que disait Anne, que le territoire s'était déjà engagé à mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne sur le climat d'Est Ensemble, et ce plan Arbre en faisait partie de ces propositions formulées par les citoyens. Et donc, je crois qu'il faut remarquer et saluer l'extrême rapidité de ce processus. Il est rare que des orientations politiques se mettent en place aussi rapidement. Première discussion donc en septembre et première plantation en décembre. Cette phase d'amorce s'étend jusqu'à mars 2023 et le plan lui-même jusqu'en 2026. Le plan prévoit la plantation de 20 000 arbres dans le territoire. Ramené à la surface de Bagnolet, cela représente environ 1 300 arbres. Dans la phase d'amorce, 37 arbres donc seront plantés dans notre ville. Bagnolet est plutôt bon élève avec des emplacements et des essences d'arbres choisis et proposés à Est Ensemble dès le mois de novembre. La question de la plantation des arbres était déjà discutée depuis un certain temps dans notre ville et les services municipaux y étaient préparés. À la journée de l'arbre en mai, un certain nombre de propositions avaient déjà été rendues publiques et qui reflètent des demandes de longue date de la population, des associations et des élus. Tout l'intérêt du plan d'Est Ensemble, c'est qu'il permet de faire ce que les villes ne peuvent pas réaliser elles-mêmes. Les villes, et pas seulement Bagnolet, n'ont pas aujourd'hui les moyens financiers ni les personnels disponibles pour mettre en œuvre ce plan. Il faut lancer un marché, acheter des arbres, les planter et les entretenir d'une façon particulièrement suivie pendant les trois premières années. C'est ce que propose de faire Est Ensemble. Si ce plan d'Est Ensemble permet d'accélérer la transition écologique dans notre ville, il faut en prévoir les conséquences dans quelques années. On va se retrouver, je l'espère, avec 1 300 arbres en plus dans notre ville, avec leurs pieds végétalisés. À 4 mètres carrés par pied, ça fait plus de 5000 mètres carrés de surface végétalisée en plus. À cela vont s'ajouter les cours d'école végétalisés, vont s'ajouter la dalle, enfin l'espace vert à la place de la dalle Maurice Thorez, évoqué tout à l'heure dans le plan, dans le nouveau plan de rénovation urbaine, va s'ajouter l'espace vert public qui sera livré avec l'école Pêche d'Or et la bergerie, vont s'ajouter aussi le parc avec l'hôtel logistique dans les coutures. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait quelque chose de très considérable qui représente un travail d'entretien supplémentaire important pour notre ville. Et donc, ça signifie qu'il faudra augmenter le budget de l'environnement et qui est stable jusqu'à présent et le nombre de jardiniers qualifiés sur le terrain. Alors, puisque les deux délibérations sont présentées ensemble. Je voudrais continuer sur la charte de l'arbre. Donc, cette charte de l'arbre en 4 cahiers est un très bel outil. Je tiens à féliciter et à remercier la direction de l'environnement et en particulier sa directrice Nicole Géniez pour le travail fourni et mené à bien contre vents et marées. L'arbre est indispensable en ville pour combattre le réchauffement climatique et en particulier les îlots de chaleur urbains, et pour que la ville reste vivable. L'arbre est notre allié, il faut que la réciproque devienne vraie. Or, les arbres sont souvent maltraités et ne survivent pas longtemps dans les conditions qui leur sont imposées en ville. Leurs racines sont contraintes dans des fosses trop petites, leurs houppiers sont restreints par les bâtiments alentour, l'eau ne s'infiltre pas à leurs pieds qui sont parfois recouverts de bitume. Des voitures et des camions abîment les troncs en stationnant, des chantiers cassent les branches et déversent des enduits ou du ciment à leurs pieds. Le sel utilisé pour le déneigement, c'est d'actualité, les empoisonne. Pourtant, de plus en plus d'habitants sont attentifs aux arbres et ne supportent plus leur dégradation. Ils et elles nous interpellent quand des arbres sont coupés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ils et elles souhaitent que leur ville verdisse et que les arbres soient plus nombreux. Nous partageons complètement cette sensibilité et cet intérêt pour les arbres. La charte est un outil pour parvenir à les traduire dans les faits. Le conseil municipal s'honorera donc d'adopter cette charte de l'arbre. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un premier engagement et j'espère qu'il sera suivi de l'engagement de beaucoup d'autres acteurs qui signeront eux aussi cette charte de l'arbre. Pour être utile, la charte de l'arbre ne doit pas finir au fond d'un tiroir, elle doit vivre à travers notre ville. Sa signature doit être proposée aux écoles, aux centres sociaux, aux associations, aux bailleurs sociaux, aux aménageurs, aux entreprises du bâtiment, etc. Cela suppose bien sûr une étape préalable, c'est l'impression et la diffusion délivrée, notamment dans les écoles, les accueils de loisirs, les centres de quartier. On pourrait imaginer aussi que la carte et la liste des arbres fassent l'objet d'un tiret à part encarté dans Bajomag. Enfin, en tout cas, quelle que soit la forme qui sera retenue, cette étape de diffusion de la charte de l'arbre est indispensable. Et j'ajoute, enfin, vous l'avez vu dans la note, mais je le dis aussi pour le public qui assiste en visio au conseil municipal, cette charte sera intégrée au PLUI d'Est Ensemble. Donc voilà, c'est un outil commun qu'on partage aussi avec les autres villes d'Est Ensemble. D'autres, Anne Desbordes-Silly. Oui, alors, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, un certain nombre de choses que je voulais dire ont déjà été dites, je ne vais pas me répéter, mais je voulais, sur la charte de l'arbre, quand même indiquer que c'est vraiment un très bel outil, vraiment d'une qualité tout à fait remarquable. Je trouve que c'est un très bel outil pédagogique, très documenté. Enfin, il y a 4 livrets en particulier, les deux premiers et le dernier sont vraiment super bien faits. Donc effectivement, il ne faut pas que ça reste au fond d'un carton, il faut que les écoles, les enseignants, les associations d'éducation au développement durable, les centres de quartier, les centres de loisirs s'en emparent. C'est vraiment un très bel outil. Il n'y a pas beaucoup de collectivités, à ma connaissance, qui ont été capables de mettre en œuvre un document aussi bien fait. C'est d'autant plus important qu'on part de loin. Hein. Enfin, j'ai le sentiment, vous mettez dans cette charte « L'arbre est notre allié, devenons l'allié de l'arbre ». Mais il est temps que vous deveniez les alliés des arbres. Alors, il y a plein de bonnes volontés. Moi, j'en suis persuadée. Et puis, Est Ensemble va être un allié. Pour le coup, c'est tout à fait important parce qu'on sait très bien que dans nos collectivités, dans des territoires, dans des villes, il y a ce qu'on appelle, les scientifiques appellent l'amnésie environnementale. Nos enfants ne savent plus ou mal ce que sont les arbres. Donc, il y a évidemment, si on veut renaturer, si on veut accompagner ce mouvement et cette tendance de fond, c'est évidemment les générations futures qu'il faut sensibiliser et c'est un très bel outil pour y parvenir. Après, permettez-moi, on relève quand même que le timing est quand même un peu particulier, puisque en matière d'abattage, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi hein, qu'on a sur notre territoire déchiqueté des arbres à la pelleteuse. Il y avait eu des abattages, hein, le cèdre, le vieux cèdre de la rue Sadi-Carnot il y a quelques mois, un tilleul au mois d'août au Malassis cet été, donc on part de loin. C'est bien de planter des arbres, mais enfin, un jeune arbre ne va pas remplacer un arbre en pleine santé qui a été abattu. Donc, on est convaincu de votre bonne volonté. Je pense que voilà, aujourd'hui, les arbres ne doivent plus être des variables d'ajustement. Hein, on est dans la roue du promoteur et puis on abat, puisque c'était dans le cahier des charges. Donc, on vous fait confiance sur ce point-là. Et voilà, c'est plutôt bon. En tout cas, c'est. Ne faites pas du greenwashing et faisons en sorte de faire vivre cette charte de l'arbre, s'il vous plaît. Merci. Donc, merci Vincent Doux pour le travail réalisé. Est-ce qu'il y a d'autres, D'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Charte de l'arbre. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 20, convention de soutien au projet d'agriculture urbaine et périurbaine, soutien de la région Île-de-France à la JDB Vassindoux. Donc cette troisième délibération, il faut se rappeler qu'en juin 2021, on avait signé une convention avec la JDB pour une autorisation de passeur temporaire pour les quatre sites pour le projet d'agriculture urbaine. Et donc la JDB a postulé auprès de la région Île-de-France, elle est lauréate, pour pouvoir continuer à travailler sur ces quatre sites. Donc il est simplement demandé à la ville de renouveler son soutien à la JDB pour qu'elle puisse bénéficier des fonds pour continuer à mener ce beau projet. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention entre la ville de Bagnolet et l'association Bourse du Travail. Edouard, tu veux dire deux mots ? Oui, il y a deux délibérations qui se suivent. L'AMB, absolument. Voilà, des conventions triennales avec des associations bien connues des Bagnoletaises et des Bagnoletais. D'une part, la Bourse du Travail et d'autre part, l'Association des musulmans de Bagnolet. Il est proposé au maire de signer, de renouveler par une convention triennale ce conventionnement entre la ville et ces deux associations. Je vous remercie. Des remarques ? Pas de remarques ? Délibération 21. Désolé, pardon. Délibération suivante, Mona. Série de conventions avec des associations sportives. Alors, la première concerne l'Atletico, la suivante le RCB, ensuite l'Alsace de Bagnolet et ensuite oui. L'AIGB. L'AIGB, donc vas-y. Je vous propose de regrouper toutes ces conventions en une intervention, dans le droit fil de l'intervention d'Edouard. Il s'agit d'une convention d'objectif triennal qui tente à structurer les relations entre la ville et les associations en posant un cadre avec des objectifs à atteindre. Elles ont vocation à formaliser les obligations des différentes parties, mais aussi de définir dans les grandes lignes le potentiel concours financier de la ville ainsi que le contrôle des données publiques. Voilà. Convention avec l'Atlético qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Convention avec le RCB, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Convention avec l'Alsace de Bagnolet, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Convention avec l'AIGB, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. La délibération suivante concerne l'abrogation et le remplacement des modalités de tarification des prestations municipales ainsi que le règlement intérieur. Donc, cette délibération vous propose de modifier à la marge la précédente délibération relative à la fixation de la tarification des prestations municipales avec Édouard Denoël, Frédéric Gavin. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec des parents d'élèves, parfois très sportives. Il s'agit d'une première modification qui permet pour les accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires visant à ne plus facturer en plus de la demi-journée du matin, une période d'accueil matinal. Cet accueil du matin sera désormais intégré à la demi-journée matinale. L'idée est de simplifier le fonctionnement. Une seconde délibération sera présentée au cours du premier trimestre 23. Nous entendons les retours qui sont exprimés par les parents sur les modalités de facturation. Le sens de la réforme que nous avons portée reste le même, lisser davantage l'effort sur l'ensemble des familles bagnoletaises. Comme nous nous étions engagés, les échanges que nous avons avec les familles nous permettent d'ajuster progressivement le dispositif pour qu'il réponde mieux aux réalités des familles bagnoletaises. En fait, nous travaillons actuellement sur la mise en place d'un forfait pour le mercredi. Est-ce qu'il y a des observations ? Madame Le Bourris. Oui, c'est quand même la troisième fois cette année que vous nous demandez au conseil municipal de délibérer sur la question. Après, moi, je trouve que ça reste toujours aussi opaque, même s'il y a un effort de fait sur le mercredi. Moi, je me rappelle que les parents, leur volonté, c'était qu'il y ait un forfait jour mais sur toute la semaine, du lundi au vendredi, parce qu'il y a des familles, et des familles monoparentales, parce que ça, ça a été pas mal évoqué à la dernière réunion, qui n'ont pas d'autre choix que d'inscrire leurs enfants à l'accueil de 7h30 jusqu'à 18h pour les enfants, les élèves en élémentaire, et 18h30 en maternelle. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à porter sur ce forfait jour. Et jusque-là, bon, là, bon, là ça ne concerne que pour les enfants inscrits au centre de loisirs. Ensuite, il y a, il demande aussi, il y a une autre demande qui n'a pas été aussi encore prise en compte, c'est l'abandon de la mesure qui préconise 50% de la majoration en cas d'absence. C'est-à-dire qu'il faut anticiper 3 jours. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous savez, vous allez manger, vous, dans 3 jours. Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 jours? Est-ce que vous serez malade dans 3 jours? Est-ce que vous allez avoir un impératif dans 3 jours? Alors, je peux me permettre quand même de dire quelque chose. C'est que tous les matins, je pointe les élèves qui mangent à la cantine parce que ça fait partie un petit peu de ma fonction. Et les effectifs restent assez stables. Donc, cet argument de gâchis, gaspillage alimentaire, je reste un petit peu assez sceptique et je pense qu'il faut vraiment, faut vraiment écouter les parents quand ils vous demandent de supprimer cette mesure. On peut encore porter la réflexion et aller un peu plus loin. Et pareil sur la mesure de la majoration qui, cette fois-ci, si on n'a pas d'autre choix d'emmener son enfant au centre de loisirs, parce que bon, bah, on ne l'avait pas inscrit 8 jours auparavant, mais là, je peux pas. Non seulement on paye le prix fort, mais on a une majoration de 50%. Voilà, ça veut dire que ce qu'on comprend, c'est que la ville n'est pas solidaire et que si demain j'ai un coup dur, ben, même la municipalité ne peut pas m'aider. Donc je trouve ça un peu dur comme mesure. Ensuite, sur le système de calcul, ils ne sont toujours pas transparents et abordables à tous les bagnoletais. On n'a pas tous fait MathsP, MathsUp pour comprendre le tableau, ça c'est très clair. Et je voudrais vraiment qu'on porte aussi une réflexion sur les familles monoparentales. C'est une vraie réflexion à porter, parce que c'était aussi une vraie demande. Et il y a des parents qui ne peuvent pas faire autrement que d'inscrire leurs enfants aux accueils. Et ils en payent le prix fort. Je vous remercie. Merci des remarques, Edouard. Non ? Non, mais sur la remarque selon laquelle ça fait plusieurs modifications. En fait, elles n'ont pas toutes le même objet, comme vous l'avez compris, que ce soit tarification, modalité d'inscription. L'idée, c'était quand même de travailler avec les familles. Vous étiez là à une réunion, il y en a eu plusieurs. Donc, effectivement, ça montre qu'on n'est absolument pas insensible à ce qui est dit, bien au contraire. J'en profite pour dire qu'il y a des réunions dans lesquelles les parents sont venus en nous disant que leur facture avait augmenté, un peu soutenue, en leur disant que ça avait vraiment augmenté pour elles et eux. Et en fait, après cette réunion, le lendemain, les familles sont venues vérifier leur facturation individuelle, le prix qu'on leur fait payer pour une prestation, un midi par exemple, ou un accueil du matin. Et il se trouve en l'occurrence, en tout cas les deux qui étaient les plus vocales quand on était là, qu'en fait leur tarif avait baissé. Donc sur la tarification, effectivement, on assume ce lissage. Maintenant, c'est un sujet qui était évoqué notamment au conseil municipal de Montreuil il y a peu de temps sur les abattements pour les familles monoparentales. Il y a effectivement sûrement matière à réfléchir de manière plus profonde sur ce sujet-là. Et sur la forfaitisation, ce qui a été demandé par les familles, c'est vraiment sur la question du mercredi. On aura le temps d'y revenir, mais c'est vraiment sur la question du mercredi. Le maire vous a dit que c'était un sujet qui était engagé pour le premier trimestre, qui ne sera pas en un claquement de doigts, mais on va y revenir. Et oui, on va l'ajuster à la marge. L'idée, c'est pas l'opacité, mais c'est d'y travailler ensemble pour qu'on atterrisse sur la mesure la plus juste. Et je rappelle que c'est une réforme qui a fait augmenter les tarifs de cantine pour certaines familles. Mais on se retrouve, l'objectif pour la cantine, c'était de faire en gros un tiers des gens pour qui ça augmentait, 2/3 des familles les plus populaires pour lesquelles ça n'augmentait pas ou ça baissait. Et là, on a reçu les chiffres. En fait, ça n'augmente que pour 18% des familles. Donc l'objectif est extrêmement bien atteint de ce point de vue-là. Oui. Est-ce que vous pourriez m'envoyer ces chiffres, monsieur De Noël ? Merci. Ah, j'imagine qu'on peut le faire. T'as le tableau ? Ouais, on va vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante. Il s'agit de la convention territoriale globale entre la commune de Bagnolet et la CAF. Il est proposé donc d'approuver cette CTG qui a été travaillée avec la CAF. Il s'agit d'une convention qui remplace les anciens contrats enfance-jeunesse dont nous avons approuvé, vous vous en souvenez, la dénonciation par une délibération du 18 novembre 2021. La signature de la CTG nous permet de bénéficier du bonus que la CAF a décidé de lui associer, de nous inscrire sur l'exercice 2021 dans le plan de rebond de la Caisse. Choqué Haddad. Merci Monsieur le Maire, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. La convention territoriale globale, la CTG, donc, est une démarche effectivement qui est fondée sur un travail étroit entre les services de la ville et les services de la CAF, la Caisse des allocations familiales, dont l'objectif est de renforcer la coordination entre nos services respectifs dans l'intérêt des habitants de notre territoire. Ce dispositif permet ainsi de développer un partenariat beaucoup plus global et plus intégré que le CEJ, le contrat enfance-jeunesse que l'on utilisait jusqu'à présent. La CTG offre notamment plus de flexibilité, plus d'agilité, permettant ainsi à la collectivité de répondre aux besoins des habitants, tout en faisant face aux nombreuses évolutions que l'on constate régulièrement, et en particulier ces dernières années. En somme, il s'agit d'un projet social que, comme on a l'habitude de les co-construire avec les services de la CAF, ainsi que les nombreux partenaires, les nombreux acteurs, les usagers, via nos 5 centres socioculturels au sein de nos quartiers populaires, mais cette fois-ci avec une dimension plus globale au niveau du territoire, au niveau de la ville. Et donc la CTG associe les habitants aux politiques qui les concernent, comme le font déjà les centres socioculturels, sur la base d'un diagnostic des besoins, mais cette fois-ci donc plus large. Et donc ces nouveaux besoins se nourrissent des politiques publiques, pardon, et font ainsi vivre un projet de territoire plus attractif et plus innovant. Ce dispositif et donc ce diagnostic co-construit avec la CAF dresse les grandes lignes des politiques publiques à venir sur Bagnolet via un plan d'action bien défini permettant de faire vivre sur la durée et avec la possibilité de le réévaluer et de re-questionner ce plan d'action sur la durée, puis de le réajuster année après année, toujours pour mieux répondre aux besoins des habitants en constante évolution. Le dispositif adresse plusieurs volets, notamment de la petite enfance en passant par la jeunesse, l'enfance, la vie sociale des quartiers, le soutien à la parentalité, l'animation socioculturelle, le handicap, la prévention santé, bien d'autres. Et du coup, c'est aussi l'occasion de réinterroger le fonctionnement des services existants en mettant tout en œuvre pour l'améliorer, pour améliorer les pratiques et en apportant un soutien financier important pour améliorer, développer le service aux familles et soutenir la coopération entre les acteurs. Et comme toujours, je profite de l'occasion pour remercier les agents qui ont contribué à l'élaboration de ce diagnostic. Je remercie donc la direction générale pour avoir impulsé cette dynamique, ainsi que les agents, les directions respectives, toutes celles et ceux qui ont contribué, qui ont participé de près ou de loin à cet effort pour améliorer le service public rendu aux habitants. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Nous avons 2 vœux à examiner. Le premier concerne la hausse des tarifs de l'énergie présentée par le groupe Ensemble pour Bagnolet. Oui. Je vais procéder directement à la lecture de ce vœu, si vous le voulez bien. Donc, la hausse des tarifs de l'électricité et du gaz va durement impacter les ménages bagnoletais, mais également d'autres collectivités. En effet, depuis septembre 2021, les prix de l'énergie ne cessent de flamber. Cette crise historique n'est en rien conjoncturelle, mais elle est la résultante de la politique de l'Union européenne sur la fixation des prix indexés artificiellement sur le gaz. La libéralisation du secteur de l'énergie depuis 1990, accentuée par la loi NOM en 2015 et la loi énergie-climat en 2019, ont instauré et renforcé la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie. Jusqu'à preuve du contraire, l'énergie est un bien commun et nous récusons sa marchandisation. De plus, l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz a suscité beaucoup d'engouement parmi les élites dirigeantes françaises et européennes. Mais sa régulation, laissée au marché libéralisé, entraîne des mouvements de prix brusques et des tarifs exorbitants, créant au passage des opportunités de rente qui se répercutent directement sur la facture des consommateurs. Aujourd'hui, 60% seulement des foyers ont encore accès aux tarifs réglementés de vente sur l'électricité. C'est pourtant le seul dispositif qui garantit une stabilité des prix, surtout en temps de crise. Seules les collectivités de moins de 10 salariés peuvent en bénéficier. Mais pour Bagnolet, comme pour de nombreuses collectivités et organismes publics, ce n'est pas possible, ce qui expose les villes à des conséquences désastreuses, car elles ne pourront pas supporter une augmentation estimée entre 30% et 300% du prix de l'électricité et du gaz dans leur budget. Pour Bagnolet, les inquiétudes sont réelles et une telle hausse aura un impact sans précédent sur la gestion municipale qui est déjà bien trop fragile. L'effet sur la ville quotidienne sera aussi désastreuse. Comment garantir l'éclairage de nos rues, de nos bâtiments publics, chauffer nos écoles et répondre aux besoins énergétiques des crèches ou du centre municipal de santé avec une telle envolée des prix? Ces politiques d'austérité effacent progressivement l'héritage historique de la loi de 1946 qui réglementait les tarifs du gaz et de l'électricité en garantissant l'accès à la ressource. Des choix et des prises de position protégeant des niveaux de vie des citoyennes et citoyens doivent être urgemment actés. Plus que jamais, des mesures pour garantir la continuité du service public et garantir le droit à l'énergie doivent être prises. Considérant que l'augmentation des prix de l'énergie en cette période d'inflation inscrit davantage de nombreux ménages dans la précarité, considérant que toutes les collectivités territoriales sont confrontées aux mêmes difficultés, considérant que nos collectivités sont financièrement asphyxiées par les baisses des dotations de fonctionnement, la suppression de la taxe foncière et par l'impact de la crise sanitaire, considérant que la baisse en température du chauffage dans nos bâtiments publics ne diminuera pas assez la facture et risque de porter préjudice aux administrés, considérant que les prévisions budgétaires de notre commune ne permettent pas des dépenses supplémentaires, considérant que les bailleurs sociaux dont l'OPH doivent calculer d'ici la fin de l'année les provisions des charges en fonction des projections de coûts de consommation de gaz et d'électricité en 2023, considérant la faiblesse des engagements financiers du gouvernement en faveur de la rénovation thermique des logements quand 12 millions de personnes souffrent en France de précarité énergétique, seulement 100 millions d'euros ont été ajoutés au budget 2023. Considérant que l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie s'est traduite par une hausse continue des prix pour les collectivités territoriales mettant en danger la continuité de nos services publics et la cohésion territoriale, considérant qu'il est inacceptable que des citoyennes et citoyens les plus modestes qui subissent déjà l'inflation et l'augmentation des produits de consommation courante soient victimes des effets de la spéculation sur des prix de l'énergie, considérant que les dernières mesures prises par le gouvernement, chèque énergie et blocage des prix à 15% d'augmentation, ne suffiront pas à combler cette fulgurante augmentation, le conseil municipal de la ville de Bagnolet demande l'interdiction des coupures d'électricité et de gaz, le blocage des prix et le retour à une régulation publique, un tarif réglementé du gaz et de l'électricité pour les collectivités territoriales, la mise en place d'un fonds d'urgence de compensation pour les collectivités et les particuliers victimes de pratiques délictueuses et de coupures, ainsi que les locataires aux faibles revenus qui se retrouveraient dans une situation d'impayé du fait des revalorisations de charges. Que le forfait APL soit revalorisé de manière significative pour compenser la hausse des quittances des locataires. Que le montant du chèque énergie soit valorisé et puisse être versé directement aux organismes HLM avec déduction sur les factures des locataires bénéficiant d'un chauffage collectif. Que le gouvernement engage un grand plan national de rénovation énergétique des logements avec un objectif d'éradication à court terme des passoires thermiques, une réforme du dispositif MaPrimeRénov et un soutien financier renforcé aux organismes HLM engagés dans la rénovation de leur parc. La sortie du gaz et de l'électricité du marché et de la fixation des prix en fonction de la réalité des coûts de production d'EDF et le réinvestissement dans l'entretien et la production énergétique nationale. Que le gouvernement propose une loi pour que cette ressource sorte à terme des marchés pour revenir dans un grand service public de l'énergie, garant des tarifs régulés à la vente basés sur le coût réel de la production et soumis à une TVA réduite. Je vous remercie. Ce qu'a dit remarque Edouard Denon. Oui, juste pour dire que c'est un vœu intéressant et que pour notre part, on trouverait votable la condition de deux petites modifications. La première, mais c'est parce que vous reprenez un terme qui a été mis dans les papiers gouvernementaux, mais les collectivités de moins de 10 salariés, on va dire 10 agents, vu qu'on est de gauche. Et puis, dans le paragraphe suivant, vous parlez de la gestion municipale qui est déjà bien trop fragile. On va mettre fragilisée, puisqu'elle est largement fragilisée par les politiques nationales, notamment sur les dotations. Et en tout cas, pour notre part, s'il y avait ces modifications-là, le vœu nous convient. Olivier. Oui, sur le fond, pour l'essentiel, on vous rejoint évidemment sur la critique qui est faite sur l'absence de stratégie portée par l'État sur la question énergétique. On pourrait rajouter les sujets de la sobriété, qui évidemment sont une partie de la problématique. Évidemment, comme l'a dit Edouard, mais je vais être moins tatillon que lui pour une fois, il y a des choses qui pourraient faire débat, notamment sur la question des tarifs réglementés, où on sait que ce n'est plus possible pour des raisons de conformité au droit de l'Union européenne, mais en même temps, il faut aussi qu'on trouve un substitut. Et on va plutôt être d'accord, on va dire, sur l'esprit, à défaut d'être d'accord sur l'outil, parce qu'on ne va pas... Voilà. Donc moi, je pense qu'on votera votre vœu, parce que c'est important, effectivement, de rappeler que l'État doit jouer un rôle dans la période actuelle, que les collectivités locales sont fragilisées. À Bagnolet, on a la chance, via le CIPEREC, d'avoir une forme de sécurisation, parce qu'on est... 3,5 millions d'habitants avec les 84, je crois, autres communes qui sont adhérents à cette compétence électricité du CIPEREC, qui nous permet de nous protéger. Mais on a plein d'exemples de communes qui remontent ou d'autres collectivités qui nous disent, nous, on passe de 25 euros à 300 euros au mégawattheure et on ne sait pas comment on va boucler notre budget. Et in fine, évidemment, ce sont les habitants et ceux qui ont le plus besoin du service public qui sont les premiers pénalisés. Donc ça, on partage pleinement. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on votera ce vœu. Jean-Claude Oliva. Oui, donc en fait, bon, je regrette un peu qu'on le découvre sur table, le vœu, et bon, du coup, on n'a pas vraiment pu en discuter dans notre groupe. Ceci dit, on a voté hier soir au Conseil de territoire d'Est Ensemble un vœu largement similaire. Donc voilà, on se retrouve dans l'esprit et on le votera. Peut-être. On aurait pu ajouter en plus quelque chose sur les énergies non renouvelables et sur le retard pris par notre pays dans ce domaine-là, qui aurait pu faire qu'on soit dans une situation moins critique aujourd'hui. Mais bon, voilà, on va pas en rajouter et on le vote sans souci. Oui, merci Monsieur le maire. Donc un vœu qui prend son origine dans la mobilisation exemplaire des salariés de la clinique Floréal qui avait encore un rendez-vous aujourd'hui et ce soir avec la direction et j'espère que ce rendez-vous s'est mieux passé que les précédents avec des propositions de la direction qui sont encore très éloignées des revendications des salariés. Donc ce vœu, et comme l'a déjà fait Monsieur le maire en se rendant auprès des salariés, ce vœu vise à confirmer ce soutien. Donc je vais le lire rapidement si ça vous va. Crise des urgences, crise des services pédiatriques et psychiatriques. Le secteur hospitalier connaît des crises à répétition depuis quelques années, à la fois par le manque d'investissement matériel, mais surtout par le manque de reconnaissance et de valorisation des professionnels qui travaillent, sans compter dans ces structures. Pour sortir de ces crises, il est nécessaire tout d'abord de renforcer le système de soins de ville. En effet, en renforçant l'offre de soins de vie en ville et en organisant la permanence des soins, il est possible de soulager les services hospitaliers. C'est ce que s'efforce de faire la ville de Bagnolet dans un département dont 93% du territoire est considéré comme un désert médical avancé, d'après les dernières analyses de l'Agence régionale de santé. Les mesures récemment prises pour pérenniser les contrats des professionnels de santé travaillant dans notre CMS, pour revaloriser les salaires de certaines professions au sein du centre ou encore la mise en œuvre de la mutuelle communale sont autant d'actes forts qui doivent permettre de maintenir une offre de soins de qualité et de proximité. Il est maintenant nécessaire d'organiser plus fortement l'offre de soins sur le territoire, au niveau de la ville, mais aussi plus largement avec les villes voisines pour assurer un accès aux soins rapide et facile. La création d'une communauté de professionnels territoriaux de santé avec les villes de Romainville, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais est un pas important dans cette recherche de coordination pour améliorer le parcours de soins du patient. Pour sortir de ces crises, il est ensuite nécessaire de soutenir financièrement les professionnels hospitaliers en revalorisant les salaires des personnels des services hospitaliers pour maintenir l'attractivité des hôpitaux publics qui souvent forment les professionnels de santé mais n'ont ensuite pas les moyens de les conserver face à la concurrence du secteur privé. Il est également nécessaire de revaloriser les salaires de tous les personnels de santé afin d'améliorer la qualité de vie au travail et reconnaître les responsabilités importantes de ces professionnels. Ces revalorisations doivent permettre de maintenir l'offre de soins sur des territoires déjà marqués par le manque de professionnels de santé. Par exemple, faute de recrutement, ce sont 80 lits sur les 390 que compte l'hôpital André Grégoire qui sont actuellement fermés. Il est donc important et vital pour l'offre de soins sur notre territoire de créer des liens forts avec les hôpitaux de notre territoire, comme l'hôpital André Grégoire de Montreuil, pour le soutenir dans ses revendications auprès des pouvoirs publics nationaux et notamment pour lui permettre de dégager les marges de manœuvre financières pour investir et maintenir la qualité de la prise en charge des patientes. Dans ce contexte et par ce vœu, le conseil municipal de Bagnolet exprime son soutien au mouvement des salariés de la clinique Floréal en espérant qu'un accord sera trouvé rapidement, soutient les revendications des soignantes et personnels des établissements de santé à Bagnolet et sur l'ensemble du territoire national de valorisation des carrières et de valorisation du service public de santé, appelle par ce vœu à ce qu'une large coalition soit organisée associant les villes voisines à la fois au niveau politique et médical pour faire face à la raréfaction de l'offre médicale. Cette coalition doit définir des solutions pour y faire face et enfin porter de fortes revendications communes pour maintenir une offre de soins suffisante de qualité sur le territoire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques ? Mohamed Jinan. Merci, monsieur le maire. Oui, le vent, on va le voter, mais j'aurais des rajouts quand même à proposer sur la situation de l'hôpital. Parce que c'est un vœu qui va au-delà quand même du soutien au mouvement du personnel de la clinique Floréal. Donc les rajouts, c'est par rapport à la fin des vœux exprimés. Hein, demander une réforme complète de l'organisation et des financements de notre système de santé pour mettre fin à l'approche purement comptable de la prise en charge des patients. Et un deuxième rajout, exiger la réouverture des lits comme annoncé lors du Ségur de la Santé. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 100 000 lits fermés depuis ces 20 dernières années. Voilà. À moins revoir tout le système de financement, si on parle des complémentaires santé, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Et sur les lits fermés, alors le problème, c'est qu'il y a les lits fermés et les lits qui sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc c'est l'idée aussi de toute cette idée derrière la revalorisation des carrières. Donc on peut voir comment on l'intègre, mais... Ça me semble pas problématique d'ajouter cette partie de ces deux points-là au vœu. Hein. Je vois pas, sauf si quelqu'un veut s'opposer ou. Mais en tout cas, oui, voilà. Après, sur le fermé, je veux juste qu'on ait quand même ce débat-là, dire qu'il y a des fermetures comptables liées aux réformes de financement et notamment de l'hôpital. Et puis, il y a les fermetures liées au fait qu'on n'arrive plus à recruter parce qu'on n'a pas revalorisé les salaires, parce qu'on n'a pas investi dans ces professions-là. Donc, il y a ces deux phénomènes-là, mais bon, on ne va pas pinailler. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se rejoigne et que surtout que les salariés de la clinique Floréal sachent qu'on les soutient, en tout cas. Donc, on intègre. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes.